Cinéphage, l'émission du son et des images. Bonjour et bienvenue dans ce cinéphage spécial hommage à Robert Redford. Et pour cette émission de cinéphage, je serai accompagné de Pierre et de Pascal. Donc Pierre avait déjà fait une émission sur les Trois Mousquetaires avec nous. Et Pascal, bien, c'est Rock en Stock, hein, c'est une des voix de Radioactive. Et puis, petit scoop, il sera bientôt l'invité de Cinéphage. Nous allons évoquer une partie de la filmographie de cette star du grand écran qui a fait vibrer des générations de spectateurs. Et telles les étoiles dans le ciel, cette vedette continuera à briller dans les yeux pour l'éternité grâce à ses films légendaires. Eh bien, nous allons commencer par une présentation assez rapide de ce grand homme, parce que bon, il a une vie vraiment passionnante. Je vous engage d'ailleurs. Pierre, je crois que tu as un livre que tu as acheté récemment et qui te passionne, puisque tu es là parce que tu aimes bien Robert Redford. Oui, absolument. Donc c'est un livre. D'ailleurs, j'en ai acheté deux. L'autre, je ne l'ai pas amené avec moi. Mais c'est vrai que ça retrace en fin de compte toute sa biographie. Donc c'est une légende du cinéma, donc de 1936 à 2025, et qui est un livre assez volumineux. Et je pense que ça va être très, très intéressant de pouvoir retracer sa vie, qui a été effectivement une légende du cinéma, quoi. Donc là, on va vous donner quelques éléments, et puis bien, vous pouvez aller lire ce livre. Et puis aussi, il y a plein de choses sur Robert Redford, sur les internets. Et voilà, c'est une star, hein. Alors, son vrai nom, c'est Charles Robert Redford Jr. Il est né, donc, comme tu le disais tout à l'heure, en 1936 à Santa Monica, donc la Californie, un lieu de cinéma. Et il est mort le 16 septembre 2025 à Sundance, dans l'Utah. Sundance, ça vous dit sûrement quelque chose, c'est là qu'il a créé son fameux festival. Sundance Festival, du film indépendant. Donc c'est un acteur, réalisateur et producteur américain qui est considéré donc comme l'une des figures les plus importantes et influentes du cinéma américain. Il a incarné des rôles marquants dans des classiques, rencontrant un grand succès critique et commercial. Et en tout, il a tourné dans plus de 70 films et en a réalisé 9. Ce qui est pas mal pour sa carrière, sans passer les téléfilms ou les documentaires ou les choses qu'il a fait autour du cinéma. Il commence sa carrière justement dans les années 60 à la télévision, avant de se faire connaître au cinéma dans les années 60. C'est un acteur ayant attiré le plus de spectateurs aux États-Unis entre 74 et 76. Robert Redford s'affirme comme l'un des acteurs les plus populaires d'Hollywood. Et on verra que sa carrière est beaucoup plus longue, mais en effet, c'est les années 70. Là, ça a été son gros boom. Et vous allez voir quand on va faire le quiz vu pas vu que... Ah bah oui, c'était avec lui ou je l'ai vu là-dedans. Il commence à avoir du succès retentissant en tant que réalisateur dans son premier film, Des gens comme les autres, en 80, qui remporte quand même 4 Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Comme début pour un film, c'est quand même pas mal, hein. Il reçoit des distinctions civiles et cinématographiques les plus prestigieuses aux États-Unis et à l'international, dont l'Oscar d'honneur, un BAFTA Award, 2 Golden Globes, ainsi que le Cecil B. 2000, le Kennedy Center Honors en 2005, la Presidential Medal of Freedom en 2016 et le César d'honneur en 2019. Il est nommé par Times comme l'une des 100 personnes les plus influentes du monde en 2014. En 81, il fonde, ce qu'on disait tout à l'heure, le fameux Sundance Festival, le Sundance Institute, qui parraine ce festival. Grâce à son influence, Sundance est devenu un événement clé du paysage cinématographique mondial, contribuant à la découverte de talents tels que, simplement, Quentin Tarantino, Steven Soderbergh et Darren Aronofsky, hein, excusez du peu. Voilà en gros pour la présentation du personnage. Je vous invite par vous-même donc à lire le livre dont Pierre nous a parlé ou d'aller vous renseigner un petit peu plus si vous voulez en savoir plus sur sa vie privée. Mais place à nos invités. Alors, Pascal, pour toi, quel est ton film préféré de Robert Redford? Alors, Robert Redford, moi... C'est un peu difficile de tirer un film. Pour moi, Robert Redford, c'est Butch Cassidy, le Kid, c'est L'Arnaque, Les Hommes du Président, Au milieu coule une rivière, L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, entre autres. Alors moi, j'ai préféré peut-être sa première partie de carrière et je dirais un film qui m'a vraiment marqué. Alors, j'étais peut-être jeune à l'époque et puis ça a porté mes valeurs un petit peu, c'est Jeremiah Johnson. Voilà. Puis Sidney Pollack, quoi. C'est quand même pas n'importe qui est réalisateur. Alors, cette aventure-là de ce cow-boy errant là, qui fuit un peu la civilisation pour vivre en harmonie avec la nature, ça m'a plutôt parlé. Et je trouve que Robert Redford, il est parfait. C'est peut-être un de ses meilleurs rôles, quoi. Et justement, Robert Redford a dit que c'est son film préféré. Ah ben voilà. Parce que ça lui ressemble plus. Oui. Pour lui, c'est l'homme qui essaye de pas de compromis, d'échapper un petit peu de ce monde ambiant. On l'a vu à travers ses films, il est politique. Et que, voilà, pour lui, ce gars qui refuse la guerre, qui est ancien soldat d'ailleurs, qui décide de partir, bon, puis qui s'aperçoit petit à petit que la violence le rattrape. Quelque société dans laquelle on vit, à un moment ou l'autre, on est confronté à des problèmes. Même si on essaye de partir de ce qu'on appelait la civilisation à l'époque. Ouais, puis ce message un peu écolo, quoi. Exactement. On est en quelle année ? Début des années 70, je crois. 60, ouais. C'est vraiment, à l'époque, c'était un nouveau. Bon, aujourd'hui, l'écologie, on sait un peu ce que ça devient. Enfin, on ne va pas faire de politique, mais... Enfin, voilà, à l'époque, je trouvais que c'était assez novateur. Et puis, j'ai bien aimé. Un western où les Indiens ne sont pas forcément les méchants. Voilà, exactement. On voit que c'est comme dans toute civilisation, il y a des gens sympathiques et puis des brutes. Et puis aussi, on voit les traditions. C'est pas, il y a un sens de l'honneur, même chez les méchants. Oui. Oui, même si c'est pas les valeurs qu'on défend forcément, mais voilà, c'est le combat à un contre un, en face, et on respecte l'adversaire. Bon, oui, la vraie histoire. Voilà, ça se termine plus tragiquement en général, parce que c'est pas du sport. À la fin, on va pas faire la troisième mi-temps ensemble. Bon, c'est quand même du cinéma. Voilà, mais c'est du cinéma. Mais bon, vaut mieux que ça soit du cinéma d'ailleurs, parce qu'à l'époque, ça devait être moins drôle pour les. Mais c'est vrai, comme tu le disais, effectivement, il était très sensibilisé au côté nature. D'ailleurs, il est intervenu à l'ONU à une certaine époque, je sais plus à quelle époque, pour parler justement des problèmes climatiques, des problèmes qu'on rencontre aujourd'hui. Et c'est vrai que bon, il était vraiment à la pointe de tout ça, quoi. Oui, et puis, comme je disais tout à l'heure, il a, on le voit à travers ses films aussi, une idée politique, et qui retranscrit d'ailleurs dans le Festival Sundance, il ne veut pas passer par les grosses machines hollywoodiennes, dont il connaît très bien le fonctionnement, étant issu de... Voilà, et si on a justement des jeunes réalisateurs et acteurs qui ont émergé, bien c'est en grande partie grâce à lui, et puis le Sundance Festival, dans le milieu ciné, qui ne connaît pas le Sundance Festival. Eh bien, je vous propose justement de faire une petite pause musicale avec la bande originale de L'Arnaque, signée Marvin Hamlisch, et ça s'appelle The Entertainer en VO, et la version piano, la bande originale de L'Arnaque. Thank you. Eh bien, après cette arnaque, vient ces... Pierre qui va nous proposer son arnaque. Non, je blague. C'est-à-dire qu'il va nous dire un petit peu son ou ses films préférés de Robert Redford. Ben c'est vrai que ce qu'a exprimé donc Pascal, moi je me retrouve effectivement dans ces films-là. Donc Jeremiah Johnson, c'est vrai qu'il est passé il n'y a pas très très longtemps. C'est vraiment son film préféré en plus. Alors moi, les films qu'il a évoqués, bien sûr, il y a aussi, comment dirais-je, Au milieu coule la rivière, donc, d'ailleurs il était réalisateur, si je ne me trompe pas. Oui, il était réalisateur. Il y a Brubaker qui m'a vraiment bien plu. Et un qui est passé il n'y a pas très longtemps, si je ne me trompe pas, c'est le film où il est colonel, si je ne me trompe pas, et dans une prison. Le dernier château. Le dernier château, voilà. Mais celui qui me sensibilise énormément, c'est Out of Africa, où il y a vraiment cette musique qui vous emporte, et puis ces paysages africains avec effectivement toute cette côté nature, et puis cette liberté qu'il a, quoi. C'est vraiment un film qui est vraiment magnifique, vraiment magnifique. Comme tu dis, on retrouve ces thèmes de la nature. Exactement. Sauvage. Le côté sauvage, le gars qui essaye de ne pas rentrer dans la civilisation, même s'il est dans la civilisation, ouais. Le fait qu'il est beau être amoureux, s'il peut se barrer dans la nature. Exactement. Voilà, il vit sa vie. Il vit sa vie, quoi. Puis le film, bon, bah, extraordinaire. À voir absolument sur le grand écran, si on ne peut que le voir sur le petit écran, mais grand écran, ouais, c'est vraiment... c'est quand même différent. Il y a des films différent. Qui nécessitent absolument le grand écran. Absolument. Plus la musique, c'est ce que je dis. Même si on n'est pas fan, pour moi, ça me fait penser un peu à Clint Eastwood qui a fait Sur la route de Madison, c'est ce genre de film. C'est-à-dire que même si on n'aime pas forcément les romances un petit peu niaises, comme on dirait, là, on s'attache au film parce qu'il y a la musique, parce qu'il y a les personnages, les acteurs... Ouais, bon, et puis on retrouve Sidney Pollack à la réalisation, encore une fois. Et Meryl Streep. Meryl Streep, oui. Voilà, donc, c'est un film à voir, en effet, dans sa filmo. Bon, pour ma part, je ne vais pas m'étendre, c'est Jeremiah Johnson, on en a parlé assez, et puis après... mais pour moi, je mets Jeremiah Johnson au-dessus de tout, parce que puis Butch Cassidy et le Kid, dans un autre genre western, bon, un genre que j'adore, mais je sais qu'il y en a un autre qui aime bien le western à la table, voire deux. voilà. Eh bien, ce que je vous propose, on va parler un petit peu de la filmo année après année, et vous intervenez si vous avez vu le film ou pas, et voir si vous avez aimé. Bon, il y a certains, on en a déjà parlé, mais d'autres, vous avez peut-être oublié, et on les a vus ou pas vus, mais pour nos spectateurs, c'est toujours intéressant. Alors, La tête à l'envers, c'est son premier film en 60, et donc c'est Tall Story, en version originale, c'est de Joshua Logan, et il joue un joueur de basket non crédité. Eh ouais, on savait pas qu'il faisait du basket. J'avoue, je n'ai pas vu ce film. En 62, La guerre est aussi une chasse, War Hunt, de Denis Sanders avec Ray Loomis. Ray Loomis, c'est, on le voit souvent dans les films d'horreur, dans pas mal de petits rôles derrière. Donc, c'est un pseudonyme qui a été pris après. Et lui, là-dedans, il joue le rôle de Ray Loomis. Est-ce que vous avez vu ce film ? Non, que nenni. Je devais juste de naître, donc c'est pas possible. En 60-61, Situation désespérée mais pas sérieuse de Gottfried Reinhardt, où il joue le rôle de Hank. En 65, Daisy Clover de Robert Mulligan, où il joue le rôle de Wade Lewis, ou de Lewis Wade, selon le cas. Je l'ai vu, ouais, ça se regarde. Bon, on le voit qu'il y a déjà son charisme naissant, hein, ses années télé derrière sont un petit peu passées, et là, il commence à prendre de l'ampleur. Ensuite, en 66, La poursuite impitoyable, The Chase, d'Arthur Penn, où il joue Bubber Bobby Reeves. Pareil, très bon film. Je vous le conseille, si vous ne l'avez pas vu. Bon western, oui. Ouais, un bon western classique, on pourrait dire, puisque après, par la suite, ça deviendra un peu plus avec sa patte et sa touche. En 66, Propriété interdite, This Property is Condemned, de Sidney Pollack. Eh ouais, sa première association avec Pollack, qui ne sera pas la dernière, est successful, comme dirait l'autre. Oui. Pascal, tu l'as vu, ce film ? Non, celui-là, je ne l'ai pas vu. Non plus, moi. Ensuite, en 67, Pieds nus dans le parc, de Gene Sachs, où il joue le rôle de Paul Prater. En 69, alors là, le film qui a vraiment fait démarrer sa carrière... Butch Cassidy et le Kid, donc de George Roy Hill. Donc là, avec Paul Newman. Avec Paul Newman, ouais. Voilà sa première rencontre aussi avec Paul Newman. Il y a des affinités comme ça. Hein. Pollack, Newman, c'est vraiment des gens avec qui, entre autres, il a bien aimé tourner. Bien tourné, ouais. Belle bande originale. qui est mondialement connu, on l'écoutera tout à l'heure d'ailleurs. Toute la pluie tombe sur moi pour la version française. Donc tout de suite, avec cette scène où il y a un vélo dans un western, donc ça c'est... il y a de l'humour, donc c'est assez marrant. Bien que, bon, les personnages sont des héros de l'Ouest, et il y en a un, Billy the Kid, n'était pas si marrant que ça, en fait. Hein. Ouais, mais c'est comme un western atypique. C'est atypique. Contrairement au western spaghetti, ça n'a rien à voir. Oui, quoi. Oui, non. En 1969, La Descente Infernale, donc de Michael Ritchie, où il joue le rôle de David Chapelet, un film sur le ski de descente. Donc, bon, ça a pris un petit coup de vieux, comme dirait l'autre, quand on voit les techniques de ski et le matériel, mais bon, c'est un film sur le sport, et donc on voit qu'il aimait bien le sport, puisqu'il a fait le joueur de basket, et après, il va jouer dans un film de ski. En 69, Willy Bob, d'Abraham Polonsky, où il joue le rôle de Christopher Cooper. On passe aux années 70. L'Ultime Randonnée, donc de Sidney G. Furey, où il joue Big Astinox. Un film pas mal non plus. En 72, Les Quatre Malfrats, de Peter Yates, où il joue le rôle de John Dortmunder. Et ensuite, là, je pense que vous l'avez peut-être vu, en 72, Votez McKee, The Candidate, de Michael Ritchie, il joue le rôle de Bill McKee. Et là, on voit déjà son implication dans les films politiques. Politique, d'accord. Voilà, c'est son tournant. On l'a vu avant plutôt dans les policiers, dans les westerns, des films, disons, un peu plus... là, il commence un petit peu à mettre sa patte et représenter des personnes et des personnages assez politiques. Puisqu'on l'a dit tout à l'heure, bah, les années 70, c'est vraiment les années Robert Redford. Puisqu'il enchaîne avec Jeremiah Johnson en 72 de Sidney Pollack, où il joue le fameux Jeremiah Johnson. On va pas épiloguer, hein, on a tous parlé, on est fans. En 73, Nos plus belles années, de Sidney Pollack. Encore en deux ans, ils ont tourné ensemble sans problème, hein, puisqu'il joue Hubel Gardiner. Donc là, plutôt un film plus intimiste, on pourrait dire. Et en 73, L'Arnaque, The Sting, de George Roy Hill, où il va jouer John Hooker... et qui est hop un spécialiste de l'arnaque, hein, avec son compère Newman, tous les deux là-dedans, ils sont terribles dans ces espèces de petits escrocs. La musique est géniale, le film est génial. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous les gars, de l'arnaque. Tout colle, quoi, oui, on peut dire. C'est vraiment c'est parfait, quoi. En 74, Gatsby le Magnifique, de Jack Clayton, où il joue le rôle justement de Gatsby. Donc la première version, on a eu le droit à la version après avec Leonardo DiCaprio. Moi, j'avais bien aimé cette version, elle était pas mal. Je sais pas pour toi, Pierre, qui est fan de... Moi, j'avoue que je l'ai pas vu, c'est vrai qu'on en parlait la dernière fois. Il faut absolument que j'arrive à le récupérer, parce que je pense que c'est effectivement une autre version. Et puis le côté charismatique de Robert Redford, et puis le physique est vraiment, c'est vraiment adapté, quoi. C'est pour ça que je pense qu'Caprio a été pris, parce que pareil... C'est des physiques et des regards. Ouais, exactement. Que ce soit de DiCaprio ou Redford, voilà, c'est des beaux mecs, puis on les reconnaît, tout de suite, il y a le charisme. Dans ces jeux de silence, c'est extraordinaire, le regard qu'il a, c'est... Après, c'est un cinéma un peu formaté, quoi, pour moi, Gatsby le Magnifique. C'est plus hollywoodien. Oui, voilà. C'est plus hollywoodien que Sundance, tout à fait. Ensuite, en 75, La Kermesse des Aigles, de George Roy Hill, où il joue Waldo Pepper. Alors là, c'était sur les gars après la guerre, les anciens pilotes d'avion qui faisaient des spectacles. Ça existe encore. Et donc, avec des loopings et des choses comme ça, et un petit peu, c'est cette tournée. J'avais bien aimé ce film-là. Moi aussi, j'ai bien aimé. C'est un sujet qu'on ne traite pas forcément souvent. ces gars qui reviennent de la guerre et qui sont des héros, ça fait penser un peu à Rambo le premier, hein, mais pas dans la... Oui, un plus subtil, quoi. Plus subtil, voilà. Avec un message. C'est-à-dire que des gars, bien que le premier Rambo, il y avait un message. Oui, mais c'est... Les gars revenaient de la guerre, et puis ils sont de considérés comme héros, et puis après, on les traite comme des moins que rien. C'est surtout ce côté-là. Oui, après, c'est pas Rambo. Les dialogues sont un peu plus sophistiqués, quand même. Voilà. Plus travaillés. Ensuite, un film très politique, Les Trois Jours du Condor, de Sidney Pollack, hein, comme par hasard, où il joue Joseph Turner, dit Le Condor, donc un film d'espionnage. Ouais. Moi, j'ai bien aimé ce film-là, ouais. avec suspense un petit peu. Enfin, c'est un bon film d'espionnage, je trouve. C'est ce que j'allais dire. Puis on voit tous les magouilles de la CIA, FBI et exactement, compagnie. Exactement. C'est pas James Bond. Hein. C'est, non, c'est subtil. C'est vraiment. Ben, ça fait un peu comme le Bureau des légendes ou des films comme cette série où on parle vraiment de l'intérieur, comment ça se passe à l'intérieur, et on voit que ça n'a pas trop changé. Quand on voit toutes les saloperies qui sont mises sur le dos d'un tel ou d'un tel, et derrière, hop, comme par hasard, les politiques et la CIA. Mais bon, malheureusement, rien ne change de ce côté-là. Mais voyez ce film, ça vous fera réfléchir et vous faire comprendre un petit peu bah, que non, rien n'a changé, comme diraient les popies. Ensuite, Les Hommes du Président, All the Present Men, d'Alan G. Pakula, où il joue Bob Woodward, un des fameux journalistes qui a révélé le scandale de Nixon. De Nixon, ouais. Le Watergate, voilà. Dustin Hoffman avec lui, ouais. Ah, ils sont magnifiques. Même si on n'aime pas forcément les films politiques, là, c'est vraiment une enquête policière, en fait. Et puis, bah, faut quand même être culotté. Deux petits journalistes d'un grand journal, quand même. Mais bon, ça a permis de le remettre vraiment au top, ce journal. Et puis, bah, c'est une machine de guerre qui est en face. Hein. Et d'avoir réussi à faire tomber un président. Oui, certainement, avec toutes les intimidations qu'il devait y avoir à l'époque. Oui, on parlait juste avant des trois jours du Condor. Je pense que les gars, il fallait avoir des coronets, comme on dit. Ensuite, Un pont trop loin, Bridge Too Far, de Richard Attenborough, où joue le commandant Julian Cook. Un film de guerre, Deuxième Guerre mondiale. Là, vraiment hollywoodien. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Pascal. Oui, tout à fait. C'est la Grande Armada. Ouais, si vous aimez Le Jour le plus long, Le Pont de Remagen. D'accord, c'est exactement les mêmes. Voilà, bah, c'est vraiment les films historiques. Historiques, version Hollywood. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Américains. Sur la Deuxième Guerre mondiale. Quoi, voilà. Ils ont aimé, s'il n'y a que qu'on gagnait la guerre. Si vous regardez les films, les héros, c'est eux. Les Russes n'ont rien fait. Les Anglais, les Néo-Zélandais, les Australiens, j'en passe. Les Canadiens, j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, bon. Faut toujours regarder, comme on dit, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Bon, on regarde du côté hystérique, mais pas hystérique, quoi, pas historique. Ensuite, eh bien, un film assez spécial, en 79, Le Cavalier électrique, de Sidney Pollack, où il joue Sonny Steele. Alors, c'est un film plus intimiste, bah, c'est Pollack, hein, quand même. Où il joue le cavalier électrique, c'est les espèces de machines où on fait du cheval, là. Je sais pas oui, si vous voyez. Oui, absolument. Voilà, donc ça parle un petit peu de... De rodéo dans les salles, quoi. Voilà, puis un personnage un peu paumé, donc une ex-star, pareil, du rodéo. Du rodéo, quoi. On passe aux années 80-90 avec Brubaker, de Stuart Rosenberg, où il va jouer le fameux Henry Brubaker, ce fameux directeur de prison. Qui se fait passer pour un prisonnier. Voilà, et c'est excellent. Ah oui, absolument. C'est un biopic, mais excellent, génial, même quoi. S'il y a un côté romancé. Mais c'est quand même, fallait quand même oser devenir directeur de prison, mais avant de se faire, pour mieux connaître la tôle, exactement, passer se faire dans passer. La cellule, quoi. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, toi, Pascal. Bon. Je n'ai pas vu ce film. Ah, je te le conseille. Ah ouais, il est vraiment génial. Franchement. D'accord. De voir, ouais, quand même, faut. Le milieu carcéral et l'évolution qu'il y a, et puis à la fin, il se découvre en tant que directeur, c'est vrai que c'est. D'accord. Enfin, je spoil un peu le truc, mais. Oui, mais justement, c'est bien de voir cette évolution, et puis comment des gens ne restent pas, bien sûr. Bah, c'est tout à fait dans Redford. Ils ne restent pas dans le moule imposé par la société. Bah, lui, il dit OK, je vais faire un métier, mais d'abord, je vais voir de quoi ça parle. Ça pourrait donner des idées à nos politiciens, travailler, faire un vrai métier, avant de faire de la politique. Peut-être qu'il y aurait des lois un petit peu moins connes. Voilà. Ceci est un vœu pieux. Ensuite, en 84, Le Meilleur, de Barry Levinson, où il joue le rôle de Rob Hoyce, si vous aimez le baseball. Voilà. J'ai jamais rien compris au baseball, mais eh bien, bon, c'est peut-être une c'est occasion vrai que c'est, de s'initier. C'est vrai que moi, je fais du foot américain. Enfin, j'ai fait du foot américain. Mais le baseball, bah, je suis resté... Ouais, je m'amusais à la tech avec des gamins quand en centre de loisirs. Là, c'est rigolo, on tape une tourne. Alors, par contre, ne me demandez pas d'expliquer en long et en large les règles du baseball. En plus, ça dure pendant des heures. Je pense que c'est les inventeurs du pop-corn et du Coca-Cola qui ont inventé ce sport pour faire vendre. Bon, il faut vraiment être passionné, je pense. Bon, en plus, bon, on voit des gars qui sont pas forcément... Maintenant, plus, mais à une époque, il y avait des gars qui étaient pas forcément athlétiques, qui avaient plus de 40 ans, qui jouaient encore... À ce sport, bon, voilà, donc il faut vraiment être américain, je pense. Mais le film est sympa, mais il faut aimer le baseball, quoi. Ensuite, nous avons Out of Africa, donc on passe dessus, on l'a tous vu. On en a parlé tout à l'heure, oui. Et puis, voilà, absolument à voir, donc de Sidney Pollack. En 86, un polar, l'affaire Chelsea Durden, d'Ivan Reitman. Ivan Reitman, c'est Ghostbusters, si ça vous dit quelque chose, peut-être. Le premier, hein, pas les remakes. Et il joue le rôle de Tom Logan. Donc, un bon film, un bon polar. J'ai eu l'occasion de le voir au ciné à l'époque. Et j'ai trouvé ça... Oui, c'est pas mal. Bon polar, oui. C'est un bon polar, hein, que, avec, bien sûr, des rebondissements. Donc, au moins, ça le mérite d'être pas un polar mou, ou alors, comme tu disais tout à l'heure, que de l'action et rien derrière. Ensuite, en 89, Yosemite, The Fate of Even, de John Hales. Et là, il fait juste la voix off. Je n'ai pas eu l'occasion de voir ce film, mais je pense que c'est plus Yosemite, c'est le fameux parc Yosemite. Ouais, donc je pense d'ailleurs que ça doit être plus un documentaire. En 90, Havana, de Sidney Pollack, Jack Well. Alors pareil, toujours ce côté un peu espionnage des personnes à la Havane. Hein, c'est là qu'il y avait pas mal de choses qui se passaient. Donc on voit l'affaire de Cuba derrière tout ce qu'il y a eu. Donc ouais, ça retrace un peu ces époques-là où derrière, bon, il y avait des faux marchands, de la CIA, des mecs plus ou moins impliqués. Et on a vu ce que ça a donné à un moment. Ça a failli péter. Hein, ça ressemble étrangement à la situation d'actuelle. Des gens qui veulent installer des missiles près de la frontière d'un autre, en général, ça ne plaît pas. Là, c'était Kennedy contre Khrouchtchev. Ouais. On espère que ça ne sera pas le prochain scénario. J'espère que ça se terminera comme ça s'est terminé pour l'affaire des missiles, que tout le monde a un peu dégonflé sa baudruche. Et ça serait pas mal, pour le bien de tous. Ensuite, nous avons en 92 Les Experts, Sneakers, de Phil Rob Anderson, où joue le rôle de Martin Bryce. Pas vu. Sympa, ça se regarde. Et en 92, et au milieu coule une rivière, donc qu'il a produit lui-même. Hein, et c'est... Il y a Brad Pitt. Il y a Brad Pitt dedans, oui, un jeune Brad Pitt. Ouais, absolument. Et il joue le rôle, justement, de Norman McLean, âgé. Ouais, un pêcheur à la mouche. À la mouche, ouais. Voilà. C'est absolument magnifique et à voir. Au départ, moi le premier, je pense, je ne sais pas pour vous, quand j'ai vu de quoi ça a parlé, la pêche à la mouche... Ouais, c'est pas, ça ne me passionne pas spécialement. J'ai dit, comment on va pour faire un film? Et j'ai regardé ce film. Ah bah, génial. Ah ouais, franchement, c'est génial parce que... La musique est bonne, les personnages, il y a une histoire. Il y a une histoire, absolument. Puis c'est vrai, quand on connaît un petit peu, moi j'ai côtoyé des personnes qui faisaient de la pêche à la mouche, et c'est vrai que c'est vraiment un geste un peu artistique. Ah bah, c'est des passionnés. C'est artistique, c'est vraiment... Non, moi, j'avoue que oui, la pêche n'étant pas mon gros sport au départ, je me suis dit non. Mais après, bon, le côté cinéphilique a fait que, dis, ouais, finalement, ce film est génial. Et en plus, on apprend comment pêcher à la mouche. En 93, Proposition indécente d'Adrian Lyne, où il joue le rôle de John Gage, avec une Demi Moore qui est... Demi Moore, oui. Jeune. Voilà, donc un gros riche qui décide de se payer la femme d'un de ses collègues. Il leur fait une proposition pour de l'argent. Et c'est un espèce de jeu, mais un jeu un peu sadique. Hein. Oui, c'est ouais, sérieusement même. Un peu particulier, quoi, comme film. Mais... Bon, après, il faut avoir un million de dollars, je veux dire, d'avance. Hein, mais... Oh, quand on voit Epstein et compagnie, ce que ça a donné, il y en a que ça ne les gêne pas. Hein. Non, mais bon, c'est vrai que c'est un film un peu dérangeant, glauque, et ben, ça nous montre un petit peu... On le verra plus tard dans Wall Street, un petit peu, voilà, c'est ces gens qui sont pétés de thunes et qui s'imaginent qu'ils peuvent acheter tout. Qui seront au-dessus des lois, quoi. Voilà. Bon, c'est vrai que des fois, quand on voit la justice à deux vitesses, on se demande si les choses ont vraiment, vraiment changé. Bon, l'avantage maintenant avec Internet, c'est que ces choses au moins sont dénoncées. C'est ça qui a fait avancer. Bon, autant il y a des conneries sur Internet, mais... Au moins, quand il y a des gens qui font des conneries, il y a des gens qui ont le courage de, un petit peu comme on parlait tout à l'heure de l'affaire du Watergate, de soulever un peu. Soulever, ouais. Et ça, c'est pas mal et ça fait quand même un peu avancer la société. Ensuite, Personnel et confidentiel de John Avnet, où il joue le rôle de Warren Justice. Oh, c'est confidentiel, je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Ensuite, en 98, L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est donc lui qui le réalise aussi, où il joue le rôle de Tom Booker. Donc, c'est tiré d'un fait réel. Hein. C'est un gars qui avait une méthode pour pas dompter, mais apprivoiser les chevaux. Parce que dompter, c'est un peu le côté... Alors lui, il n'utilise que la douceur, le calme. Et donc, c'est vraiment un mec qui a existé et d'ailleurs, sa technique a été reproduite par de nombreux spécialistes des chevaux. Mais surtout dans le film, en plus, avec le traumatisme qu'a pu avoir le cheval, c'est vrai que c'est absolument magnifique de voir l'évolution de l'animal et puis de la personne qui joue. Hein. Comme tu dis, souvent, on voit une chute, c'est le cavalier qui tombe, oh là là, mais quand on voit les chevaux, que ce soit bien l'équitation, les courses et compagnie, des fois, le pauvre cheval, on le voit tomber, et puis on ne sait pas ce qui devient après. Et pas forcément de la viande à boucherie, malheureusement. Eh bien, après cette première partie de carrière de notre ami Robert Redford, je vous propose d'écouter la bande originale de Butch Cassidy et le Kid, le fameux « Raindrop kept falling on my head », donc « Toute la pluie tombe sur moi ». Et attention, sortez les parapluies. Raindrops are falling on my head. Just like the guy whose feet are too big for his bed. Nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head. They keep falling. So I just did me some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know. The blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Steps up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Eh bien, nous allons continuer la filmographie pour ce spécial hommage à Robert Redford avec le Vu pas vu. Eh bien, on repart avec un film que je sais que certains d'entre vous ont vu. En 2001, Le Dernier Château, The Last Castle de Robert Lurie, où il joue Eugene Irvine. Et donc, il joue un général en fin de compte. Général. Alors, j'ai dit colonel, c'est un général. Oui, c'est un général. Oui, il y a un autre film avec un colonel, mais c'est Bruce Willis qui joue le colonel. Un film un petit peu sur l'armée, ses codes. Même en prison, on voit que, disons, la hiérarchie reste. La hiérarchie, ouais. Bon, là, c'est pas une hiérarchie par la force comme on le voit dans certaines prisons où on est trié selon sa catégorie, le genre de meurtrier qu'on est, ses origines sociales, raciales et compagnie. Là, ça reste l'armée. Hein. Je sais pas ce que vous avez pensé de ce film. Moi, j'ai trouvé génial. Personnellement, il est passé, je te dis, il n'y a pas très très longtemps, et ça met en évidence effectivement certaines choses qui peuvent se passer. Et puis des petits chefs, comme on peut le voir, oui. On peut voir dans le... Bah, ce qui est marrant, parce que justement, ces petits chefs, qui sont les mêmes à l'armée traditionnelle, des gens souvent qui n'ont pas de pouvoir, donc on leur donne un petit bout, et tout de suite, ça devient des espèces de petits tyrans. Mais on retrouve ça dans tous les boulots. Hein. Je pense que tout autour de la table, on a tous connu ça. Des gens qui avaient un petit peu de responsabilité, qui étaient souvent incompétents, mais qui remplacent leur incompétence par une espèce de petite tyrannie pour se donner un petit rôle. Et on le voit bien. Bon, lui, par contre, là, c'est un général qui a monté avec un général de carrière. On le voit actuellement aussi ce qui se passe avec des politiciens qui veulent donner à des militaires des rôles qui ne sont pas du tout leurs. Et il y en a qui ont le courage de leur dire « Bah non, nous, on n'est pas là pour servir la gamelle. On est là pour notre pays. » Donc, même si on n'est pas patriotique, c'est toujours bien d'avoir des gens qui sont un peu des garde-fous comme ça. On ne fait pas n'importe quoi parce qu'on est président ou qu'on est ministre de la guerre, spécialement quand on n'a même pas fait son service militaire. Donc, je trouve ça que c'est bien de temps en temps, même si je ne suis pas un super militariste. Ouais. Derrière, c'est bien d'avoir... On revient à la compétence. Hein. Moi, je respecte des gens compétents, mais des incompétents, j'ai du mal. Je pense que je ne suis pas le seul. Il n'y a pas une théorie qui dit que dans toute organisation, on finit toujours par arriver à atteindre son niveau d'incompétence. Tout à fait. Donc on est tous incompétents. Voilà, à un moment, on arrive toujours... je pense qu'il faut savoir s'arrêter et pas prendre des responsabilités si on n'est pas capable de les assumer. En 2001, Spy Game, jeu d'espion, où il joue Nathan D. Muir, donc un film de Tony Scott, qui est décédé, et le frère de Ridley Scott. Bah d'ailleurs, on retrouve Brad Pitt, si je me trompe pas. Oui. Oui. Hein, c'est ça, hein. Oui, c'est ça. Je trouve ce film, c'est un peu une continuité des Trois Jours du Condor. Oui, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Voilà, plus moderne. Oui. On retrouve les mêmes problématiques. Bon, avec, comme tu dis... Bon film d'espionnage. Ah, oui. Sur les rouages, en fait. Comment on peut être manipulé. Comment on manipule. Et on peut être aussi manipulé en étant... Exactement. C'est ça qui est... Et oui, comme on dit toujours, on peut être le con de l'autre. Hein. Et voilà. En 2004, L'enlèvement, The Clearing, de Peter Janbrug, où il joue Wayne Hayes, bon, bah, comme son nom l'indique, sur un enlèvement. En 2005, Une vie inachevée, de Lasse Hellström, et il joue le rôle d'Einar Glickilson. J'avoue, je ne l'ai pas vu, celui-là. Non plus. Non plus, non. En 2006, Le petit monde de Charlotte, Charlotte's Web, de Gary Winnick, et il joue la voix de Ike. En 2007, Lion et Agneau, Lions for Lambs, qu'il a lui-même réalisé, où il joue le docteur Stephen Mallet. Donc pareil, un petit peu sur les problèmes d'un petit peu au Proche-Orient, un petit peu toutes ces choses comme ça. J'avoue que, bon, je l'ai regardé, mais je n'ai pas eu cet attrait que j'ai eu pour d'autres films avec lui. Et on passe dans les années 2010. En 2011, il fait Buck, de Cindy Mill, où il joue son propre rôle. Pas vu. En 2013, Sous surveillance, compagnie UKIP, encore de lui-même, où il joue le rôle de Jim Grant. En 2013, All is Lost, de J.C. Chandor, où il joue le navigateur. Donc, pareil, je trouve que ces derniers films étaient moins percutants par rapport à ce qu'il a fait avant. Ensuite, la preuve, puisqu'en 2014, il joue dans Captain America, Le soldat de l'hiver. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant. D'Anthony et Joe Russo, où il joue le rôle d'Alexander Pierce. Ouais, pour moi, ça me fait drôle. Ça me fait penser un petit peu à De Niro aussi, qui tourne dans pas mal de choses qui ne sont pas à son niveau, je pense. Enfin, ou avec ses convictions. Quand on fait Sundance, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est pour faire plaisir à un copain. Ou je ne sais pas, peut-être tu auras la solution dans le livre, Pierre, s'ils en parlent. Je sais pas, je te le dirai pas plus tard. Ça se demandait qu'est-ce qu'il est venu faire dans cette galère. On verra qu'il y reviendra en plus. C'est ça qui est terrible. Donc, ensuite, on passe à 2015, où il va jouer Randonneur amateur, de Kanye West, où il joue le rôle de Bill Bryson. Donc là, on revient un peu à un film plus intimiste, où il va se balader, et justement, c'est un petit peu son côté avec la nature, les choses. Moi, j'avais bien aimé. C'est vraiment paisible. On parlait d'Au milieu coule une rivière, bah, c'est des films plus... Dans le même thème, quoi. Plus paisibles, disons. Ensuite, en 2015, il va jouer aussi dans Truth, Le prix de la vérité, où il joue le rôle de Dan Rather, et ça, c'est sous la houlette de James Vanderbilt. Messieurs, non. Ensuite, alors pareil, très, très drôle, en 2016, il va apparaître dans la version, le remake de Peter et Elliot le Dragon, de David Lowery, donc un film Disney, et oui. Il joue le père de Grace. Alors d'accord. Pareil, c'est peut-être fan dans sa jeunesse du dragon. Un retour aux sources. Ou peut-être pour ses enfants, oui, ou voilà. Ses petits-enfants, je ne sais pas. Ensuite, en 2017, il va tourner The Discovery de Charlie McDonnell, où il va jouer Thomas Harbour. En 2017, Nos âmes la nuit, Our Soul at Night, de Ritesh Batra, où il joue le rôle de Louis Walter. Pas vu ? Non. Pas pris. On dirait l'autre. En 2018, on va le retrouver dans The Old Man and the Gun de David Lowery, où il joue le rôle de Forrest Tucker. Moi, j'avais trouvé ça... Bah, c'est un peu Arthur, hein, ces films un peu d'action, entre, mais bon, avec l'âge, ce qui est une certaine philosophie derrière. Et puis, bah, 2019, alors là, la surprise, il revient dans Avengers Endgame d'Anthony et Joe Russo, joue à nouveau le rôle d'Alexander Pierce, qu'il avait joué dans Captain America. Voilà, la boucle est bouclée, mais pas... ouais, c'est pas... J'aurais bien aimé qu'à la fin, il ait un peu des films un petit peu testament, comme on peut dire entre guillemets, ou plus personnel, ou peut-être qu'il il avait envie d'être tranquille et de s'occuper de Sundance. Je crois qu'il se consacrait plus à Sundance qu'à sa carrière. Peut-être, c'est peut-être pour financer Sundance. Peut-être, oui. On n'a pas tous les trucs. Oui. Des fois, beaucoup d'acteurs ont fait des films comme ça pour un petit peu... Bah oui, parce qu'il n'y a pas la grosse machine d'Hollywood derrière, donc automatiquement, il faut le financer. Quoi, donc, voilà. Alors, c'est peut-être ça, hein. Eh bien, après avoir fait ce petit tour d'horizon de cette filmo, je ne sais pas si vous avez des choses à rajouter sur une petite anecdote ou un film ou quelque chose sur Robert Redford que vous auriez eu envie de préciser. Non, simplement, c'était pour moi un grand acteur. C'est vrai qu'il a marqué son histoire et son époque. Quoi, donc, et je pense qu'on en parlera encore dans pas mal d'années. Quoi. Oui, je pense que c'est... Moi, j'ai un petit bémol. Je trouve que, comme tu disais tout à l'heure, sa fin de carrière cinématographique est un petit peu en déclin ou un peu plus, comment dire, confidentiel. Il y a eu, dans les années 70... Son boom. C'est son boom. Et puis après, contrairement à d'autres, comme, je sais pas, je pense à Clint Eastwood, on peut préférer plutôt sa fin de carrière, même si c'est pas encore fini. C'est ça qui était. Redford, il était un petit peu plus discret ces derniers temps. Ça fait comme Newman. Oui. Alors, il se consacrait peut-être à des tâches souterraines, Sundance, tout ça, quoi. Voilà, et puis on n'a pas leur vie privée aussi. Voilà. Il y a sûrement des raisons. Je prends Robert De Niro, que je citais tout à l'heure, qui disait, il y a des films commerciaux. Oui, ça, on n'y échappe pas. En France, on avait Michel Galabru, pas la même star, mais ou Jean-Pierre Mocky, qui disait, bah oui, on a fait des bons films, et des fois, on a fait des merdes, mais parce qu'il fallait vivre, il fallait payer les impôts, comme il disait si bien, et Galabru disait même, pour payer mes pensions avec mes ex-femmes. Oui. Donc, voilà. Donc, ceci ne nous regarde pas, comme diraient les inconnus. Hein, Redford, il ne faisait pas trop parler de lui au niveau de sa vie privée. Oui, c'est déjà assez discret. Ouais, c'est discret, oui. Donc, moi, je suis un peu comme Pascal. Je regrette un petit peu qu'il ne nous sorte pas un petit film de temps en temps d'auteur un petit peu plus profond, comme il a été capable de le faire. Mais bon, c'est vrai que si ce n'est pas en ce moment, qu'on n'a qu'à regarder les scénarios hollywoodiens, on parle actuellement du déclin du cinéma. Par exemple, j'en discutais avec des professionnels de cinéma plus d'une fois. Bah oui, c'est que... Si ça attire moins, bon, on peut dire qu'il y a Netflix et machin, mais si les films sont moins attractifs, avec des scénarios légers comme du papier à cigarette, les gens iront au cinéma. Faut se remettre en question. Ouais. On l'a vu avec Monte Cristo, par exemple, qui a fait repartir un petit peu le box-office français, parce qu'il y a une prise de risque, parce qu'il y a des jeunes acteurs, il y a des réalisateurs qui bousculent un peu. On a, en France, des gens qui font du cinéma de genre, mais on les met un petit peu... sous la coupelle. Heureusement qu'il y a les séries maintenant qui viennent un petit peu booster ça. Et pour voir des sujets intéressants, maintenant, il y a plus de sujets intéressants dans les séries télé que ça dans certains films, quoi. Non, puis je pense que le problème, c'est une évolution des modes de consommation. Surtout des jeunes générations. Moi, je discute avec mes anciens étudiants ou les copains de mes enfants, etc. Ils vont quasiment plus au cinéma. Ils restent chez eux, ils regardent des séries, quoi. Ce qui est quelque part dommage, parce que c'est vrai, quand on regarde un film en grand écran, par exemple, sans faire de pub, mais sur un IMAX, je veux dire que c'est pas du tout la même chose quand on ressort de la salle, quoi. Oui, ouais. Puis le côté, on partage une expérience, soit individuelle, on partage avec soi-même, exactement. Soit on y va avec des copains, soit... Et il n'y a pas le côté perturbateur des potes qui va se lever pour aller aux toilettes, l'autre qui va aller chercher les coca, ceux qui rigolent, qui ne comprennent pas le film. Voilà, on n'apprécie pas la... C'est pas pareil. Enfin, bon, après, on est peut-être un peu vieux jeu, nous. Mais, non, parce qu'il y a des jeunes qui adorent le cinéma. C'est ça. Mais c'est vrai que on a fait la consommation un peu comme on mange du film comme on mange des sandwichs. Quoi. C'est un petit peu pareil... Je compare ça à manger de la malbouffe, du McDonald's, du KFC. On bouffe, mais on ne va pas forcément apprécier. Ouais. Mais c'est vrai que les anciennes générations, moi je me souviens de certains films que je suis allé voir, entre autres à Paris, au Grand Rex, où il y avait encore la Féerie des Eaux. J'avais été voir Le Grand Bleu en version longue. Bah, Le Grand Rex, quand tu es dans la salle, tu es vraiment dans le film. Tu as complètement l'immersion. Quoi. Tu ressors, tu es waouh, c'est impressionnant. Quoi. Et c'est vrai que sur des grands formats comme ça, enfin, il y a certains films qui, de toute façon, nécessitent effectivement d'être vus de cette façon-là. Sur une télé, c'est pas du tout, même avec un son surround et ainsi de suite, tout ce qu'on veut, ça n'aura jamais le même résultat. Mais c'est pas la tendance. Je pense que les... Oui, c'est vrai. Salles de cinéma, déjà en France, le nombre se réduit. On retrouve des grandes chaînes avec une programmation un peu formatée, je trouve. Et puis les instances vont dans le sens des séries, puisqu'il y a des films qui sortent maintenant sur Netflix, mais pas sur... Absolument, pas au cinéma. Vrai, c'est vrai. Et puis, ben, c'est vrai que cette consommation à outrance, on peut avoir deux troncs, on ne sait même plus quoi choisir. Ça fait un peu à l'époque, quand il y a eu les vidéoclubs, c'était génial, mais on se retrouve dans tel choix qu'on ne sait pas quoi prendre. Et puis, des fois, on prend par défaut, on va tomber sur une bonne chose ou alors quelque chose de pas terrible. Et donc, voilà, il y a ce côté. Mais bon, moi, je prône toujours le cinéma et ça, c'est aussi notre paroisse, comme dirait l'autre. Allez-y. Et puis, quand il y a aussi des projections... En avant-première, bien sûr, mais à l'air libre aussi. C'est super sympa sur grand écran. Ah, enjoy, ouais. Faut qu'il fasse beau, quand même. Mais les Américains le faisaient avec les drive-in. Oui, c'était vraiment sympa, quoi. Et il y a eu quelques expériences de fête, mais de temps en temps, c'est bien aussi de voir du cinéma vivant. Bien sûr, tous les films ne nécessitent pas le grand écran. Pour moi, la bêtise aussi, c'est de subventionner plein de films, comme ceux de Bernard-Henri Lévy, par exemple, le pseudo-intellectuel, qui fait 6 entrées. Bon, bah, bonjour l'ambiance. Je crois qu'on ferait mieux. Donc, s'il ne s'appelait pas Bernard-Henri Lévy, qu'il n'avait pas ses copains, je préfère qu'on donne de l'argent à des jeunes, comme fait Redford avec le Sundance, voilà, que donner à des mecs qui font partie de l'apparat chic, là, qui vont nous faire... Et puis, ça ne nécessite pas. Ça s'appelle un doc. Et c'est un doc, c'est bon pour la télé. Et encore, s'il est bon. Eh bien, je vous propose de finir ce spécial Robert Redford avec la bande originale Dès au milieu coule une rivière, donc avec A River, A Run Through It. Thank you. Eh bien, maintenant, place aux avant-premières et événements de ce qui se passe en Touraine. Alors d'abord, au CGR 100, vous allez voir, il y a de quoi faire hein, ce mois-ci. Eh bien, un ciné-débat avant-première avec Soyons fous le jeudi 16 octobre à 19h15, le 16 octobre. Un autre ciné-débat, L'âme, l'au-delà et l'invisible, le jeudi 16 octobre à 19h30. Et à l'issue de la projection, la réalisatrice Valérie Seguin et le médium Carole Huriot seront présentes pour un moment d'échange et de partage. Donc, souvent sympa, ces ciné-débats, un film, un thème. Et après, on discute souvent avec le réalisateur ou alors des spécialistes du domaine. On a eu l'occasion, avec les gens de Radioactif, de participer assez souvent à ce genre de ciné-débat. Et c'est sympathique. Ensuite, la suite de la rétrospective Paul Verhoeven. Ça, c'est ça sera la semaine du 15 au 10. Il y a Starship Trooper. Et puis, il y aura aussi Showgirls. Donc, vous n'hésitez pas. Si vous aimez Paul Verhoeven, vous pouvez continuer à le voir sur grand écran. Dommage qu'il n'y a pas eu La chair et le sang, qui est vraiment un film excellent. Ensuite, l'avant-première de Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Donc, ça sera le mardi 21 octobre à 20h. Pour les fans du roi Arthur version française. Ensuite, une soirée culte, Chansons sous la pluie, le mercredi 22 octobre à 19h50. Une avant-première, Les aventures de Nexus, le vendredi 24 octobre à 20h. Diffusion du film moyen-métrage, diffusion de son making-of et un échange avec l'équipe du film. Donc, c'est un film qui sort sur YouTube. Donc, si vous êtes un petit peu geek ou vous avez envie de voir un petit peu plus sur le cinéma, eh bien, n'hésitez pas à aller au CGR Centre pour voir ceci. Mais on n'est pas en reste, puisque à partir du 16 octobre, et bientôt, ça va arriver, le Festival Mauvais Tour, seconde édition. Et donc, bien, ça sera des dizaines de projections en avant-première et une nuit maléfique qui vous attendront au studio sur cette période. Mais on va y revenir cette semaine, puisqu'on aura Géry, qui est un des membres, justement, de ce festival, qui viendra nous en parler sur les ondes de Radioactive. Radioactive y sera, puisque je prendrai, comme l'année dernière, le micro pour aller faire quelques interviews. Et on fera un cinéphage spécial où on vous racontera un petit peu tout ce qu'on a vu et puis les pépites à découvrir lors de ce festival. Et il y a des super choses. Hein. Je ne dévoile pas encore tout le programme, mais tout à l'heure, nous allons enregistrer justement un petit peu un petit teaser pour vous expliquer un peu ce qu'il y aura. Ensuite, toujours au studio, L'inconnu de la Grande Arche, ça sera le vendredi 24 octobre à 19h45, une rencontre avec Stéphane Demoustier, le réalisateur, à l'issue de la projection. Ensuite, L'incroyable Femme des Neiges, ça sera le mardi 28 octobre à 19h45, rencontre avec Sébastien Betbédé, le réalisateur, et Blanche Gardin, à l'issue de la projection. J'espère pouvoir y participer. Parce que, bon, Blanche Gardin, c'est quand même un personnage. Oui, puis le film s'annonce, enfin, la bande-annonce est plutôt alléchante. Voilà. Ensuite, une soirée avec Bertrand Bonello, à 18h30. Discussion avec Bertrand Bonello autour de son livre Bertrand Bonello, des stratégies publiques. Alors ça sera le 19h30, une séance de dédicace à la bibliothèque des studios. Puis une projection de l'Apollonide, souvenir de la maison close en 35 mm, représentée par Bertrand Bonello. Donc si vous avez aimé la série et le film, donc voilà. Toujours l'occasion de rencontrer des gens qui ont créé, réalisé. C'est toujours intéressant d'avoir ce face-à-face avec le public. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous les horaires et les films à l'affiche de nos partenaires, les CGR, Centre de Tours et Cinéma Studio. Pour cela, n'hésitez pas à retrouver tout cela sur leur site respectif. Nous voici arrivés à la fin de ce cinéphage spécial Robert Redford au cinéma. Un grand merci donc à Pierre et Pascal, mes invités du jour. Merci les gars d'avoir chroniqué avec moi aujourd'hui. Merci à toi. Ouais, merci, c'était une expérience intéressante. D'ailleurs, tu vas bientôt nous retrouver pour un cinéphage. Il paraît. Alors, n'hésitez pas à nous contacter justement sur Radioactive si vous souhaitez devenir l'invité de cinéphage. Nous vous retrouverons bientôt sur nos antennes dans un prochain cinéphage en alternance avec l'autre émission Cérivore que j'anime avec Vincent, qui est à la technique encore aujourd'hui, sur les antennes de Radioactive, une émission sur les séries. Mais en attendant, continuez à dévorer films et BO sans modération. Bye bye les cinéphages.